Il est 5h du mat, encore une nuit d'insomnie. J'ai la plume facile à 7h06, là depuis tout petit. Enfant de la lune, au clair de ma plume, je squatte le bitume, noie mon amertume. À coups de crayon, je rêve de procréer des millions de rimes. L'artiste est né pour créer. L'artiste se sent seul, même au milieu de la foule. L'artiste donne ce qu'il veut, le tapis rouge se déroule. Mes regrets sont dans le rétroviseur, j'avance à son à l'heure. Tête baissée, j'ai pas le temps. Ma vie, un jeu de cartes, l'as de pique, mes sentiments. Un coup de vent, puis tout fout le camp. Incompris, l'amour est en sursis. Les histoires de cœur sont cadets de nos soucis. J'aurais aimé te dire qu'ici pas tout va bien. Tant que la musique existera, on fera comme si tout allait bien. J'aime la vie, j'aime le son. J'aime la vie quand elle nous donne des frissons. J'aime le son quand il nous met la pression. J'aime la musique et son abnégation. J'aime la vie, j'aime le son. J'aime la vie quand elle nous donne des frissons. J'aime le son quand il nous met la pression. J'aime la musique et son abnégation. Mon rap est une cellule dans laquelle j'ai pris perpète. J'suis condamné à errer dans le son et cela sans fenêtre. Un aller simple j'ai pris sans aller-retour. 10 ans ont passé déjà derrière mon parcours. Pas un sou en poche, en quête de liberté. J'comprends ce qu'on me reproche, je ne fais que déserter. Fuis un système qui me comprend pas. J'ai connu des moments sombres, on s'en sort pas. D'amour et de fraîche, non je n'y crois pas. J'ai allumé la mèche, j'assume les dégâts. L'artiste s'enterre égoïstement, sans terre promise. Toujours à l'écart des stars du showbiz. Je connais mes amis, dis même tes frères. Où sont tes ennemis parmi ses frères? Je sais qui je suis et où je vais. Je deviendrai ce que j'aurais dû être et tu le sais. J'aime la vie, j'aime le son. J'aime la vie quand elle nous donne des frissons. J'aime le son quand il nous met la pression. J'aime la musique et son abnégation. J'aime la vie, j'aime le son. J'aime la vie quand elle nous donne des frissons. J'aime le son quand il nous met la pression. J'aime la musique et son abnégation.